بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue à lire. Aujourd'hui c'est la partie 40 dans la lecture des fatwas des ulama au sujet de. Maintenant il parle des, le Cheikh Al-Fawzan, il parle des fatwas au sujet des jama'at, des groupes contemporains qui existent et qui propagent des bid'ah et des égarements. Donc on va continuer à lire quelques fatwas du Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma Fil Mashakil Al-Mulimma. On lui a posé la question, Al-Su'al, Sahib Al-Fadila, Hal Al-Khuruj Limuddati Ashhurin أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة التبليغ سنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ On a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, noble Cheikh, est-ce que de sortir une période spécifique, comme par exemple un mois ou un nombre de semaines ou un nombre de jours, comme le font Jama'at al-Tablir, est-ce que ça c'est une sunna ou est-ce que c'est une bid'a? Et est-ce qu'il est permis de sortir avec ce groupe si la personne qui sort avec eux est une personne qui apprend la science de la charia, qui apprend l'islam? Donc le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu à cette question. Il a dit « Hada la yajouz, hada bid'a ». الخروج أربعين يوما أو أربعة أشهر أو أربعة أيام هذا بدعة وهذه جماعة صوفية ثبت أنها جماعة صوفية ديوبندية تسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أن يخرج معهم لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة واحتج الناس به وقالوا فلان خرج معهم أو الناس خرجوا معهم أو أهل البلد فيجب أن يرفض هؤلاء يجب أن يرفضوا لا يلتفت إليهم لأجل أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشروها بيننا ولا يقول الإنسان أنا أخرج معهم لأجل تعليمهم هذا أبعده عن ذهنك هم لا يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج وهم جاءوا ليعلموك وما جاءوا لتعلمهم جاءوا ليعلموك صوفيتهم ومذهبهم ما جاءوا سبحان الله الشيخ il a tellement bien expliqué, il a dit ما جاءوا ليتعلموا منك ولو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على يد العلماء في المساجد وقرأوا الكتب هذه مغالطات لا تجوز الانخداع بها. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu d'une manière qui est vraiment claire et qui laisse aucun doute pour la personne qui a encore des choubouhats à propos de Jamaat Tablir. Et on sait que parfois, ils essaient de se défendre en mentionnant des anciennes fatwas très vieilles de certains ulama au début, lorsque les savants connaissaient même pas la réalité de Jamaat Tablir. Ils ramènent ces anciennes fatwas-là pour essayer de se défendre. Malgré tout, Cheikh Al-Fawzan, lui, non. À l'époque, il les a jamais encouragés. Il n'a jamais été d'accord. Et même lui-même, il le dit. Il y en a qui parlaient d'eux au début, ils disaient des choses. Ils disaient, moi, j'ai toujours su que ces gens-là ne sont pas corrects. Donc, ça, c'est un exemple. Mais, ça, c'est des anciennes fatwas. Les chiouks, par la suite, ils ont changé. Ils ont mentionné, parce que les informations leur sont venues au sujet de la réalité de Jamaat Tablir. Et donc, ils ont pris une position claire par la suite pour interdire ce groupe-là et mentionner que ce sont des gens de bid'ah. Donc Cheikh Al-Fawzan, lui, il est très très clair là-dessus. Il dit, la réponse, c'est que ce n'est pas permis. C'est une bid'ah, c'est une innovation. Il dit de sortir 40 jours ou 4 mois ou 4 jours, des choses comme ça, c'est une bid'a, et ça c'est un groupe soufi. Jama'at Tabligh, on a confirmé, et c'est confirmé que c'est un groupe soufia. C'est un groupe diobandi, soufi, hein, de l'Inde. Hein. Et dans d'autres pays, parce que ça c'est en Inde, c'est les fondateurs qui font partie des diobandi. Hein. Mais dans les autres pays, autre que l'Inde, ils sont sur les autres turuq de ces autres pays-là. Si c'est en Afrique de l'Ouest, ils sont sur des turuq des soufis de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, Qadiriyya ou autres. Et s'ils sont dans d'autres pays, c'est Tijaniyya, ou l'autre, l'Afrique, la même chose. Dans chaque pays, ils vont suivre la tariqa de ce pays-là où c'est connu. Et quand ils sont en Arabie Saoudite, tu vas voir qu'ils vont essayer de montrer qu'ils sont, hein, c'est-à-dire sur la sunna et ainsi de suite, sauf qu'ils sont alliés avec ces gens-là. Ça, c'est juste une parenthèse, hein, par rapport à ce point-là, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais en Inde, ils sont comme ça, mais les autres, dans les autres pays, ils ne sont pas comme ça. Donc, on peut sortir avec les autres. Non, parce qu'ils sont tous alliés entre eux. Et même ceux qui ne sont pas de l'Inde, qui ne sont pas du Yobandi, hein, sont dans d'autres turuq soufis. Hein. Donc, c'est la même chose. Hein. Ils ne vont jamais critiquer les soufis et les bid'as des soufis. Donc, le cheikh, il a dit ensuite, ils se sont propagés et répandus dans les pays, dans le but de propager le soufisme. Donc, il n'est pas permis à une personne qui est sur la sunna, une personne qui est sur le tawhid, de sortir avec eux. Parce que s'il sort avec eux, c'est comme s'il les aide à propager la bid'a. Et les gens vont le prendre comme preuve par la suite. Ils vont dire, un tel, il est sorti avec eux. Ou bien, les gens, ils sortent avec eux. Ou les gens de tel pays, ils sortent avec eux. Hein? Et c'est un fait. Quand les gens voient des Saoudiens avec Jama'at Tabligh, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, les Saoudiens, ils sont avec eux. Alors les gens, ils pensent que, tout de suite, bon, ça veut dire qu'ils sont corrects, ils sont sur la sunna, parce que les ulama de l'Arabie Saoudite, c'est les ulama d'Ahlus Sunna, et c'est les gens qui suivent la voie des salafs. Donc si les Saoudiens sortent avec eux, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec eux. Hein? C'est une shubha. Donc il faut faire attention à ces gens-là. Comme le frère, il dit, il y en a un exemple qu'il a donné dans sa ville, il dit, il prétendait être l'élève de Cheikh Al-Albani, et il dit qu'il est à Jama'at Tabligh, un Saoudien. Donc, hein? L'exemple, ça c'est clair. Hein? Donc, c'est pour ça. Ils veulent, eux, propager ça. Et les gens qui voient ces gens-là sortir, ils vont dire quoi? Ils disent, un tel, il est avec eux. Les gens de tel pays sont avec eux. Donc, le cheikh, il dit, il est obligatoire de les refuser. Ne pas les accepter. S'ils veulent venir dans votre mosquée, ou dans votre quartier, ou dans des trucs comme ça, vous les laissez pas. Hein? Et l'imam de la mosquée, ou les responsables, ils doivent pas les accepter, ou leur permettre de faire leurs activités dans les mosquées. Il est obligatoire qu'ils soient refuser, qu'on leur refuse et qu'on ne se tourne pas vers eux pour qu'ils retournent dans leur pays avec leur bid'a, hein, et pour pas qu'ils la propagent parmi nous et pour pas que les gens disent un tel il est sorti avec eux, hein, comme certains le font, que quelqu'un doit pas dire, le cheikh dit, quelqu'un doit pas dire moi je suis sorti avec eux pour leur enseigner. Il dit ça, enlève-le complètement, éloigne-le de ta tête, éloigne-le de ton esprit, cette idée-là que tu vas sortir pour leur enseigner. Les chéris disent, eux, ils veulent pas apprendre de toi. Ils vont pas accepter même. Parce que ce sont des gens qui ont des principes. Et c'est des gens qui suivent une méthodologie. Et ils sont venus, eux, pour t'enseigner toi. Donc ils vont pas t'accepter. Ils vont pas accepter que toi, tu leur enseignes quoi que ce soit. Eux sont là pour t'enseigner à toi. Donc ils vont pas accepter que toi, tu leur enseignes. Hein? Et il dit donc, ils sont venus pour t'enseigner leur soufisme et leur voie. Ils sont venus pour t'enseigner ces choses-là. Et s'ils voulaient vraiment apprendre, ils seraient venus s'asseoir, étudier à la main des ulama dans les mosquées. Ils auraient lu les livres des savants. Donc ça, c'est des exemples, hein, des erreurs que ces gens-là font. Et donc, il n'est pas... la preuve qu'ils suivent volontairement l'égarement et qu'il n'est pas permis de se laisser tromper par ces gens-là. Et en ce moment, il y a une jama'a à Montréal. Je les ai vus durant le mois de Ramadan dans une mosquée à Montréal. Ils sont là. Et parmi eux, il y a un Saoudien. Donc ça, c'est une réponse claire et nette pour Jama'a Tabligh à ce sujet-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein? Une autre question maintenant. سؤال. هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ يدعوننا كثيرا للخروج معهم ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم في أنحاء العالم فكيف نرد عليهم الجواب donc la question c'est quoi il y a des frères qui appartiennent au groupe de Jama'a Tabligh et ils nous invitent à sortir avec eux. Et comme argument qu'ils prennent, comme preuve qu'ils prennent pour montrer qu'ils sont sur la vérité, c'est qu'ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui sont guidés à la vérité par eux, par leurs mains, qu'ils sont la cause de la guidance de beaucoup de gens parmi les koufars et parmi les musulmans dans le monde entier. Alors, comment on peut leur répondre à cet argument-là ? Le cheikh, il répond, il dit « Al-Jawab, naruddu alayhim bi'an naqul » من الذي اهتدى عليهم في التوحيد هل واحد من الكفار او المبتدعه او من القبوريين اهتدى على يد جماعه التبليغ وترك الشرك وتاب الى الله من الشرك وعرف التوحيد اولا انما هم يتوبون الناس من الذنوب ولكن الشرك لا يتعرضون له قط ولا يحذرون منه ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لها فما معنى هذا وأي دعوة هذه ثم إنهم يتوبون الناس من المعاصي ويدخلونهم إلى البدع التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف ثم هل ذهبوا إلى أصحاب الأضرحة ودعوهم إلى الله وتوبوهم من الشرك؟ Donc le cheikh il dit, voici comment on doit leur répondre à cette chouba. Il dit, on leur répond en disant, qui sont ceux d'entre les gens qui ont été guidés par ces gens-là dans le tawhid? Est-ce que un d'entre les kuffars ou des gens de bid'a ou des adorateurs de tombes ont été guidés de la main de Jama'a Tabligh et ont abandonné le shirk, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il les a amenés à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala du shirk qu'ils faisaient, est-ce qu'ils ont connu le tawhid en premier? Ça c'est premièrement. Donc eux ils font repentir des gens de certains péchés, mais le shirk ils n'y touchent pas, ils s'y attaquent pas du tout. Ils ne mettent même pas les gens en garde contre le shirk. Et c'est pour cette raison-là que tu vois dans leur pays beaucoup de gens qui adorent les tombes, les tombeaux. Et ils ne disent rien à propos de ces gens-là, ils ne font rien pour les empêcher de faire ça. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi cette da'wah? Eux, ils font repentir les gens de certains péchés qu'ils font. Mais ils les font quitter les péchés pour tomber par la suite dans les bid'ah. Donc ils quittent les péchés, mais ils tombent dans les bid'ah. Et les bid'ah, c'est plus dangereux. Et ils les font tomber dans les bid'ah sur lesquels ils marchent dans leur manhaj qui est bien connu. Puis, ils vont vers les gens. Et puis, est-ce qu'ils sont partis vers les gens qui adorent les tombeaux pour les inviter à Allah et pour qu'ils se repentent du shirk? Donc ça, c'est des questions que le Cheikh Al-Fawzan a posées, et la réponse à toutes ces questions, c'est non, non, non, non, parce que c'est pas ça leur da'wa. Leur da'wa, c'est pas la da'wa du tawhid. Leur da'wa, c'est une da'wa soufiya. Et dans le fondateur de leur jama'a, le fondateur de leur groupe, ils pratiquaient des genres de shirkiyat de ce genre, et des choses de ce genre dans leur pays d'origine. Maulana, c'est notre maître. Dans ces pays-là, par exemple, ils utilisent le terme maula pour désigner, par exemple, le professeur, l'éducateur, le cheikh. Au lieu de dire cheikh, ils disent maulana. Dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Une autre question, on va lire. C'est la question suivante. السؤال ماذا تقول لمن يخرجون إلى خارج المملكة للدعوة وهم لم يطلبوا العلم أبدا يحثون على ذلك ويرددون شعارات غريبة ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيسهله سيلهمه الله أي نعم ويدعون أو يدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج أن الخارج إلى خارج المملكة سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إلى الداعي ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لا بد أن يكون معه سلاح لكي يواجه الناس وخاصة في شرق آسيا حيث يحاربون مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرجو الإجابة على سؤالي لكي تعم الفائدة. Donc ils ont posé la question au cheikh et on va inchallah ça va être là, c'est l'avant-dernière question, après il y a une autre petite question puis après on va s'arrêter avec ça. La réponse du cheikh, la question premièrement, c'est qu'est-ce que vous dites au sujet des gens qui sortent à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, le royaume, pour aller faire la da'wah alors qu'ils n'ont pas fait la quête de la science, n'ont pas cherché la science. Et ils incitent les gens à sortir. Et ils répètent des slogans étranges. Et ils prétendent que celui qui sort dans le chemin d'Allah, Allah va lui inspirer des paroles qu'il doit dire. Et que, ils prétendent que la science, ce n'est pas une condition fondamentale pour la da'wah. Et le cheikh, la personne dit au cheikh, vous savez très bien que les gens qui vont sortir à l'extérieur du pays, à l'extérieur du royaume, ils vont trouver différentes voies, différentes sectes, différentes religions, et on va lui poser des questions. Alors, vous savez très bien, ô noble cheikh, que la personne qui sort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il ait avec lui des armes pour être capable d'affronter les gens. Et en particulier dans en Orient, dans des endroits où les gens combattent la da'wa du revivificateur de la da'wa du tawhid, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et le réformateur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc on espère une réponse de vous pour que le bienfait soit général pour tout le monde. La réponse du cheikh, c'est al-jawab al-khuruj fi sabilillah laysa huwa al-khuruj alladhi ya'nunahu al-an al-khuruj fi sabilillah huwa al-khuruj lil-ghazwi amma ma yusammunahu al-an bil-khuruj fahadha bid'ah lam yarid 'an as-salaf wa khuruj al-insan liyad'u ila Allah yanbaghi an la yakuna muqtadiyan bi-ayyamin mu'ayyana بل يدعو إلى الله حسب إمكانيته ومقدرته بدون تقيد بأربعين يوما أو أقل أو أكثر وكذلك مما يجب على الداعية أن يكون ذا علم لا يجوز أن يدعو إلى الله وهو جاهل قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم لأن الداعية لا بد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب ومستحب ومحرم ومكروه ويعرف ما هو الشرك والمعصية والكفر والفسوق والعصيان ويعرف درجات الإنكار وكيفيته والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل لأن طلب العلم فريضة وهو لا يحصل بالإلهام وهذا من خرافات الصوفية الضالة لأن العمل بدون علم ضلال والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم والطمع بحصول العلم بدون تعلم ووهم خاطئ وإنما الإلهام الذي يدعونه إلهام من الشيطان لما أعرضوا عن العلم النافع تسلط عليهم. Voici encore une autre réponse du Cheikh Al-Fawzan qui est très claire et nette. Le Cheikh, il dit, le khuruj dont il parle, le khuruj dans le sentier d'Allah, ce n'est pas le khuruj que ces gens-là veulent dire aujourd'hui. Le khuruj, ça veut dire en arabe la sortie, le fait de sortir. Donc il dit le khuruj dont il parle, eux, c'est pas ça le khuruj dont il est question dans l'islam. Le khuruj fi sabilillah, c'est de sortir pour aller combattre, pour le combat. Mais ce que aujourd'hui ces gens-là appellent khuruj, ça c'est une bid'ah. Ce n'est pas mentionné chez les salafs. On n'a pas trouvé ça chez les salafs. Lorsque la personne sort, fait le khuruj pour aller faire la da'wah à Allah, pour faire ça, il ne doit pas se limiter par un nombre de jours spécifiques. Comme par exemple, la personne, elle invite à Allah subhanahu wa ta'ala selon sa capacité et selon ce qui est possible pour lui, sans se limiter à 40 jours ou plus ou moins. Hein? De même que, il est obligatoire à la personne qui fait la da'wah et qui invite à Allah de posséder de la science. C'est pas permis pour quelqu'un d'appeler à Allah alors qu'il est ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Yusuf, le verset 108, dit, voici mon chemin, voici ma voie, j'invite à Allah avec basira, c'est-à-dire avec science. Hein? Et donc, la personne qui invite à Allah, il faut qu'elle connaisse la chose à laquelle elle invite les gens. Il faut qu'elle sache, est-ce que ça c'est obligatoire, ou recommandé, ou interdit, ou détestable. Il faut qu'elle sache ce qu'est le shirk, il faut qu'elle connaisse le péché, qu'est-ce que c'est, le kufr, le fusuq, la désobéissance, le péché, ainsi de suite, les différents degrés de dénonciation ou de condamnation d'un acte ou du fait de changer le mal, et comment on doit s'y prendre. Elle doit connaître également des choses de ce genre. Donc tout ça, elle doit apprendre. Et il faut aussi qu'elle sache que le fait de sortir, toute sortie qui va te distraire de l'apprentissage de la science et de la quête de la science, eh bien c'est une chose qui est fausse. Parce que la quête de la science, c'est une obligation et ça ne peut pas venir par inspiration, comme ces gens-là le prétendent. Ça fait partie des superstitions des soufis qui sont égarés. Hein, parce que d'appliquer des choses ou de pratiquer des choses dans la religion mais qu'on n'a pas de science, ça c'est de l'égarement. Hein, et de désirer ou de croire qu'on peut obtenir de la science sans apprendre, ça c'est une fausse impression, une fausse idée, une fausse illusion. Hein. Et l'inspiration qu'ils prétendent en réalité, c'est une inspiration qui leur vient du shaitan. Puisqu'ils se sont détournés de la science qui était bénéfique, alors le shaitan a pris le dessus sur eux. Voilà la réalité. Une autre question qui a été posée, et on va s'arrêter après celle-là, inshallah. La question, on va lire les deux dernières, parce que ça finit la page. Donc on va commencer après avec une nouvelle page. La question qui a été posée, as-su'al, ma ra'yukum في من ما رأيكم في من نصح أحد الشباب والذي في بداية التزامه بأن يماشي جماعة التبليغ لأنهم يهتمون بالقلوب إلى أن يقوي إيمانهم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الجواب: هذا يأمره بترك المعصية إلى البدعة، يعني يتوبه من المعصية ويدخله في بدعة. جماعة التبليغ جماعة بدعية صوفية، لا يجوز الذهاب معهم ولا الجلوس معهم، والواجب أن يأمره بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومخالطة الصالحين من أهل الاستقامة وأهل السنة ومجالسة أهل الخير وحضور المحاضرات والدروس وحضور الصلوات الخمس في المساجد مع المسلمين ويأمره بهذا. الشيخ الزي on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, quelle est votre opinion au sujet de la personne qui a conseillé à des jeunes qui sont dans le début de leur pratique de l'islam, de marcher avec Jamaat Tabligh ou de partir avec Jamaat Tabligh, parce que ce sont des gens qui donnent de l'importance au cœur et qui renforcent la foi. Donc quel est votre conseil à la personne qui, ou qu'est-ce que vous pensez de la personne qui a donné ce conseil-là à un nouveau musulman ou quelqu'un qui commence à pratiquer l'islam? La réponse du cheikh à ça, c'est qu'il dit, cette personne, elle est en train de conseiller ou d'ordonner à cette personne d'abandonner le péché pour aller vers la bid'a. C'est comme s'il lui dit, laisse le péché et va vers la bid'a. Et il dit que, c'est-à-dire que il le fait sortir, il lui demande de se repentir du péché et il le fait entrer dans la bid'a. Parce que Jamaat Tabligh, c'est une jama'a, c'est un groupe de bid'a soufis, hein, de soufiya. Donc, il n'est pas permis de partir avec eux, il n'est pas permis de s'asseoir avec eux. Et qu'est-ce qui est obligatoire? C'est de lui ordonner de se repentir à Allah et de rester dans l'accompagnement des gens pieux, parmi les gens qui sont sur la droiture et sur la sunna, et de s'asseoir avec les gens du bien et d'être présent dans leur conférences et dans leurs cours d'être présent dans les cinq prières dans les mosquées avec les musulmans. Tu lui ordonnes cela. Tu lui ordonnes cela. Et non pas de partir avec Jamaat Tabligh ou des choses comme ça. Hein? Et la dernière question qu'on va lire aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la question suivante. Al-Jawab, Biladuna walillahi alhamd. كانت جماعة واحدة non, pardon, ça c'est la réponse. La question, السؤال, ما حكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم وجود مثل هذه الجماعات التبليغ والإخوان وحزب التحرير وغيرها في بلادنا خاصة بلاد المسلمين وبلاد المسلمين عامة. Quel est le verdict au sujet de la présence de ces groupes, des groupes semblables, comme par exemple Jamaat Tabligh, Al-Ikhwan, frères musulmans, Hizb al-Tahrir, ça c'est un autre groupe, Hizb al-Tahrir, c'est un groupe qui appelle à l'établissement du Khilafah, puis à parler contre les dirigeants, puis à appeler à la révolte, aux rébellions. C'est comme, ça ressemble aux frères musulmans, sauf que c'est un groupe un peu, disons, un peu plus radical que les frères musulmans sur le plan politique. Et eux, ils se concentrent vraiment beaucoup là-dessus, encore plus que les Ikhwan. Mais c'est la même race que les Ikhwan, la même catégorie que les Ikhwan, si on veut. Hein? Sauf qu'ils sont plus radicaux, sont plus extrémistes. Hein? Donc, on les voit maintenant, ils commencent même à apparaître en Europe, ils sont en Angleterre. Ils ont commencé dans les pays arabes, je pense le fondateur c'est An-Nabahani, il venait de la Jordanie je crois, mais par la suite là ça s'est propagé en Angleterre, c'est des groupes toujours, ils sortent avec des bannières, ils font des manifestations, des trucs comme ça, yani. C'est des gens, ils appellent à l'application de la charia, puis à le khilafa, mais sans prendre en considération les conditions et les règles, hein, et sans étudier la science islamique non plus. Donc c'est des gens de cette catégorie-là, Hizb al-Tahrir. Donc, et il y en a d'autres aussi dans d'autres pays, comme en Arabie Saoudite, ou bien dans d'autres pays des musulmans. Qu'est-ce qu'on dit de la présence de ces groupes-là dans ces pays-là? La réponse, Biladuna walillahi alhamd. Donc notre pays, Biladuna walillahi alhamd, كانت جماعة واحدة. ولا تزال جماعة واحدة بكل أفرادها وحكامها وشعبها وكل حاضراتها وباديتها تسير على منهج الكتاب والسنة تحكم بالشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الحدود ويوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا أما هذه الجماعة الوافدة فيجب أن لا نتقبلها لأنها تريد أن تنحرف بنا أو أن تفرقنا وتجعل هذا تبليغيا وهذا إخوانيا وهذا كذا لما هذا التفرق هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى ونحن جماعة واحدة وعلى بينة من أمرنا لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لماذا نتنازل عما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح وننتمي إلى جماعات متفرق إلى جماعات تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا هذا لا يجوز أبدا. Donc le cheikh il répond, il dit notre pays par la grâce d'Allah il a toujours été un seul groupe et il continue à être un seul groupe avec tous ses composantes, tous ses dirigeants, son peuple, les gens de la ville, les gens du désert, les bédouins. Ils interdisent le mal, ils établissent les peines, ils s'aiment les uns les autres et ils s'allient les uns aux autres. En ce qui concerne les groupes qui viennent de l'extérieur, il est obligatoire pour nous de ne pas les accepter parce que ces groupes-là veulent nous faire dévier et nous diviser. Et ils veulent faire en sorte qu'un tel devienne Tabliri, un autre devienne Ikhwani, un autre devienne tel ou tel ou tel groupe. Et pourquoi cette division? Ça, c'est le fait de montrer de l'ingratitude envers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est un seul groupe et on est sur une preuve par rapport à notre affaire. Alors pourquoi on va échanger ça pour quelque chose de moins bon, hein? Pourquoi on va faire des compromis avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme générosité et noblesse? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme unité et amour entre nous sur la voie droite, sur la voie qui est correcte, hein? Et qu'on va commencer à s'affilier à différents groupes qui vont nous diviser et séparer notre unité et semer l'animosité entre nous. Cela n'est pas permis. Hein? Cela n'est pas du tout permis. Donc ça, c'est la dernière fatwa donc qu'on voulait lire à ce sujet-là de la part de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Ensuite, bien entendu, il y a d'autres fatwas des autres ulama sur le même sujet. On va les lire à la fin, inshallah, quand on va avoir fini de lire les fatwas de Cheikh Al-Fawzan. Donc, on reviendra en arrière pour lire les fatwas des autres shuyukh qui ont été mentionnés en note de bas de page à ce sujet-là, pour que ce soit plus bénéfique, inshallah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Juste peut-être un point en passant, c'est que s'il y a des musulmans qui sont avec ces groupes-là, mais qu'ils sont ignorants, ou bien qu'ils font partie des gens ordinaires qui n'ont pas de connaissance des égarements de ces groupes, eh bien, la priorité, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à eux, c'est de leur donner le bon conseil et de leur apprendre qu'est-ce que c'est la sunna et leur expliquer les égarements qui sont dans ces groupes. Puis, par la suite, s'ils refusent d'accepter la nasiha et qu'ils persistent à suivre ces choses-là, alors là, par la suite, on va se désavouer d'eux ou bien on va les laisser comme ils veulent se détourner, on les laisse. Mais sinon, si ce sont des gens ordinaires, des gens qui sont pas nécessairement au courant de qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire comme égarement et comme bid'ah, eh bien, il faut au contraire leur donner le bon conseil et puis essayer de les rappeler à la sunna, de leur expliquer les choses. Naam. Donc, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.